Eh, hey, tu m'as reconnu enfoiré. Tu sais qui je suis, hein? Je suis une rockstar. Sérieux? Baby, baby, baby, je suis une rockstar. Arrête. Non, non, non, non, non. Je roule en Jaguar. Une grosse bagnole, quoi. Baby, baby, baby, je suis une rockstar. Je suis la vitamine. Non, non, non, non, non, non. Donc arrêtez ces combats entre le rap et le métal. Enfin, frère, vas-y, dévoile ton âme. Montre-moi de quoi on est capable. Quand les peuples sont unis, y'a plus de coupables. Qui veulent insulter, qui veulent faire chier, mais qui veulent rabaisser mon rap et ses mentalités. C'est que deux styles de musique, j'aime pas tes critiques. Tes récits égocentriques, ne me foutent pas la trique. Au mic 0D, ne viens pas critiquer, ne viens pas insulter ou ma guerre va recommencer. Chacun a son trou, chacun fait son trou. Mais ne viens pas me dire que le rap est ribou. On dégage les sentiments, comme les métalliens. Viens pas me dire que le rap c'est saoulant. Et je vais aller dans les bars et rentrer très tard. C'est fini le rap car j'suis une rockstar. Bonsoir. Baby, baby, baby, j'suis une rockstar. Non, non, non, non, non, je roule en Jaguar. La toute dernière. Baby, baby, baby, j'suis une rockstar. Et j'bois tous les soirs. Non, non, non, non, non, non, j'suis une rockstar. Et j'prends de la coke. Baby, baby, baby, j'suis une rockstar. Et j'me pique. Non, non, non, non, non, je roule en Jaguar. La plus stylée. Baby, baby, baby, j'suis une rockstar. La meilleure des rockstars. Non, non, non. Rockstar, tous les soirs je squatte à notre bar. Je crois qu'on aime pas ma dégaine de clochard. Tatouage, cheveux longs jusqu'au cul. Et quand je bois trop, je me vomis dessus. Je prends tout, ecstasy et cocaïne. C'est pour ça que tous les matins, j'ai la meilleure des mines. Je suis une rockstar, j'ai la dernière des jaguars. Mais honnêtement, je sais même pas comment on démarre. Mais au moins, j'ai la classe. Je flâne dans mon monde de paillettes et de strass. Mon fric intéresse mes amis. Mais je m'en pète du fric, j'en aurai toute ma vie. J'ai une plus grande villa que David Villa. Et je suis le seul à vivre là. Tous les soirs j'ai au moins 10 rancards. Normal vu que je suis une putain de rockstar. Encore plus fort. Baby, baby, baby, je suis une rockstar. Hein, chérie? Non, non, non, non, non, je roule en Jaguar. Merde, merde, merde. Baby, baby, baby, je suis une rockstar. Différents styles.